Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, nous sommes le 17 novembre 2017. Merci d'être avec nous. Bienvenue à ce journal. La radio fête ce samedi, la radio Isanganiro fête ce samedi 18 novembre, ses 15 ans d'existence et au service de la population. De quoi satisfaire le CNDD-FDD et l'organisation Parsem, qui ne manque pas cependant de recommander à ce médium de varier ses productions. Et la police a mis la main sur 6 personnes qui semaient l'insécurité dans la zone Kanyosha ainsi que sur 3 personnes pour usage de faux documents. Le porte-parole de la police nous en donnera des précisions. Et le CNDD-FDD a lancé ce jeudi la semaine dédiée aux combattants, l'occasion pour le secrétaire général de ce parti d'appeler leurs partisans à continuer à travailler pour le développement économique et social du pays. Et cela fait 25 ans, jour pour jour, que le célèbre chanteur Nikiza David a quitté ce monde. Christian Savier nous rafraîchira la mémoire de celui qui fut la source d'inspiration de bon nombre d'autres chanteurs burundais comme Kidumu et John Chris. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. 6 personnes ont été arrêtées par la police avec 5 machettes et torches. Selon le porte-parole de la police, ces personnes font partie des gens qui sèment l'insécurité dans la zone Kanyosha. Pierre Mourikiye a indiqué que toutes les 6 s'apprêtaient à attaquer les passants tout près de la rivière dans le quartier Guissio. Après les enquêtes de la police, ils seront mis à la disposition du parquet qui va se charger de ce dossier. Les 6 personnes que vous venez de voir ici avec 5 machettes et 3 lampes et torches, ce sont des criminels armés de ces machettes et qui font partie des criminels qui sèment l'insécurité, surtout dans la partie sud de la capitale, dans la zone de Kanyosha principalement. Elles ont été appréhendées hier vers 4h du matin à l'endroit appelé Guissio, près de la rivière. Ils s'apprêtaient à attaquer les personnes avec ces machettes. Maintenant, ils sont alors gardés à vue par la police qui va faire son enquête. Et puis, à la fin de l'enquête, ces personnes vont être transférées au parquet qui va juger de la poursuite de ces personnes au niveau de la justice. La police voudrait informer le public que ce n'est pas la première fois qu'elle arrête de tels criminels. Et elle voudrait aussi profiter de l'occasion pour remercier tous les intervenants en matière de sécurité qui ne cessent de lui accorder leur appui multiforme, qui font que de tels criminels soient appréhendés avant même qu'ils ne commettent leurs crimes. C'était le porte-parole de la police, Pierre Mourikiye. Je vous l'avais dit, 3 autres personnes ont été arrêtées ce mercredi. Il s'agit d'une élève qui s'est inscrite frauduleusement dans une école privée de la capitale Bujumbura. Les 2 autres personnes, comme l'indique le porte-parole du ministère de l'Éducation, sont un intermédiaire qui l'a conduit à un faussaire de documents, un ancien directeur d'école. Mercredi le 15, suite à des informations qu'on avait reçues des sources très très sûres, avec l'appui des services de police, nous avons pu mettre la main sur une élève qui s'est fait inscrire au lycée technique de Nyakabiga avec des documents frauduleux d'une école qu'elle n'a jamais fréquentée. Et avec l'appui de la police, donc, on a pu mettre la main sur l'élève, sur un intermédiaire qui l'a aidé a trouvé un faussaire qui a confectionné tous ces documents que vous voyez ici. Ce qui est vraiment dommage, c'est que ce faussaire est un ancien directeur d'une école, quelqu'un qui est soi-disant éducateur en charge d'une école, mais qui s'adonne à la confection des documents frauduleux comme ça. C'est quelqu'un qui est en train de détruire notre jeunesse. Je pense qu'il aura une sanction à la taille de cette infraction qu'il a commise. Le directeur en question, l'ex-directeur, a non seulement confectionné un bulletin, mais il a confectionné tout un dossier complet attestant que l'élève concerné a fréquenté le TG de Nyakabiga depuis la 7e année. Ce qui est vraiment grave, et c'est pourquoi nous voudrions en appeler ici à tous les élèves qui se sont fait inscrire par des voies comme celle qu'a empruntée Mademoiselle. Enseignants et directeurs qui seraient concernés par ces pratiques-là, eh bien, nous sommes déterminés. Nous avons commencé à nous occuper de cette question, c'est-à-dire que nous allons les traquer partout où ils se trouvent pour que notre jeunesse ne soit pas abusée comme ça. Jouma Edouard, c'est le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, félicite la radio Isanganiro qui totalise 15 ans au service de la population burundaise à travers ses différentes émissions et éditions. L'anniversaire, le 15e anniversaire, tombe demain, 18 novembre. Le commissaire chargé de la communication au sein de ce parti lance cependant un appel aux journalistes de la radio Isanganiro de diversifier l'information. Nancy Ninette Mutoni demande qu'à part la politique, que ces journalistes puissent s'intéresser aux autres domaines qui constituent la vie de la population. Suivez Nancy Ninette Mutoni. 15 ans, c'est un pas. 15 ans, ça montre que la radio a déjà trouvé sa voie et est enracinée dans l'espace médiatique burundais. Et qui dit espace médiatique dit aussi renforcement de la démocratie et renforcement de la culture démocratique dans un pays. Nous vous encourageons d'aller de l'avant et nous vous exhortons à tout faire pour diversifier les programmes. Des programmes diversifiés qui ne se limitent pas seulement à la politique, mais des programmes qui sont orientés vers le développement des citoyens, des programmes qui l'encadrent dans sa quête du développement, des programmes qui sont adaptés à la lutte contre la faim, à la lutte contre la pauvreté, des programmes liés à l'éducation, des programmes liés à la santé. Car vous savez, même la politique se base sur ces projets de société qui touchent la vie des citoyens. Donc, en tant que parti, nous aimerions avoir des programmes diversifiés qui encadrent la population à la base dans leur quête de développement. Voilà, c'était Nancy Ninette Mutoni, commissaire chargée de la communication au sein du parti CNDD-FDD, des propos recueillis hier à l'occasion du lancement de la semaine dédiée aux combattants. On y revient tout à l'heure. Mais avant cela, la société civile présente également ses félicitations à la radio Isanganiro qui va souffler ses 15 bougies à la fin de la semaine en cours. C'est demain. Le président de la PARSEM salue l'action menée par la radio Isanganiro qu'il qualifie de pilier de la démocratie depuis sa création jusqu'à nos jours. Faustin Dikoumana demande aux responsables de cette station de radio de multiplier des émissions qui accordent la parole à la population burundaise. Suivez Faustin Dikoumana, président de l'organisation PARSEM. Nous nous disons que parmi les piliers forts du renforcement de la démocratie dans un pays, il y a l'espace médiatique. Or, Isanganiro a pu jouer son rôle à travers cet espace d'une manière visible, nous l'encourageons. Et quant aux organes de la société civile, nous aussi nous constituons un deuxième pilier de l'existence de la démocratie dans un pays. Donc alors, nos actions sans les médias aussi, il serait difficile de porter notre message loin. Or, la radio Isanganiro est l'une des radios qui ont pu relayer nos messages plus loin pour que quand même notre rôle aussi soit joué comme pilier de la démocratie. Et malgré alors la conjoncture actuellement difficile, malgré l'ouragan qui a secoué l'espace médiatique burundais, la radio Isanganiro devrait se féliciter d'avoir resté debout, de jouer alors son rôle qu'il doit jouer. Une radio comme Isanganiro doit vraiment jouer un rôle de choix, à multiplier même des émissions, nous appelons des émissions telles que Mosaïque, qui offrent une occasion à certains hommes politiques ou d'autres cadres de divers milieux socio-professionnels d'exprimer leurs idées, d'informer la population sur certaines approches de gestion des affaires de l'État. Nous voudrions aussi inviter Isanganiro de multiplier d'autres émissions, à l'instar des émissions qui invitent la population à s'exprimer directement à la radio, à communiquer avec des invités pour renforcer vraiment ce rôle de pilier de la démocratie. Faustin Dikoumana, président de l'organisation PARSEM. Je vous l'avais dit, le parti CNDD-FDD a procédé ce jeudi 16 novembre au lancement officiel de la semaine dédiée aux combattants. Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du CNDD-FDD, dit qu'ils ont choisi cette date du 16 novembre parce que c'est une date historique pour le Burundi et c'est à cette dernière que le parti CNDD-FDD a récupéré la démocratie qui avait été bafouée. Évariste Ndayishimiye précise également que même si la guerre est terminée, ils doivent continuer la lutte pour le développement économique et social du pays. Le secrétaire général du CNDD-FDD interpelle tous les Bagumnyabanga à œuvrer au-delà des intérêts personnels. Le point avec Gertrude Mawenayo. Tchatou Founye! Tchatou! Na kugugunga! C'est à la permanence nationale du parti CNDD-FDD lors des cérémonies du lancement officiel de la semaine du combattant ce jeudi 16 novembre 2017. Évariste Ndayishimiye, le secrétaire général de ce parti, dans son discours, dit que c'est une occasion de s'auto-évaluer et de se souvenir que depuis longtemps, il a toujours existé de vaillants combattants pour protéger le Burundi. Il dit également que la date du 16 novembre est une date historique pour le pays parce que c'est là où ils ont récupéré la démocratie qui avait été bafouée et c'est à cette date aussi qu'ils ont décidé de déposer les armes et les Burundais ont regagné leur domicile. Selon toujours Évariste Ndayishimiye, cette journée n'est pas seulement pour les Bagumyabanga mais pour tous les Burundais patriotes parce que c'est une journée de la paix. Même si la lutte armée s'est terminée, poursuit toujours le secrétaire général du CNDD-FDD, la lutte pour le développement économique et social du pays continue parce qu'il y a des Burundais qui cultivent encore les divisions ethniques et que le gouvernement ne possède pas suffisamment de moyens pour assurer le bien-être de tous. Il interpelle tous les Bagumyabanga d'œuvrer au-delà de leurs intérêts personnels pour être de vaillants partisans de la paix. Et vous saurez que la semaine du combattant qui a débuté ce jeudi 16 novembre est prévue se clôturer ce samedi 18 novembre 2017. Gertrude Mawenayo. Plus de 4500 personnes ont participé au travail de déposition dans les provinces de Muramvya et Ruyigi. Monseigneur Jean-Louis Nahimana, président de la commission Vérité et Réconciliation, l'a dit ce vendredi lors d'un point de presse en vue d'informer la population sur le travail réalisé dans ces deux provinces. Il fait savoir que 15 000 Burundais se sont déjà confiés à la CVR et que la collecte des dépositions va s'étendre sur les provinces du sud du pays. Suivez Monseigneur Jean-Louis Nahimana. Les personnes qui sont venues se confier à la CVR en commune Bukeye, on a pu échanger avec 250 déposants. En commune Kiganda, on a compté 602 personnes. En commune Mbouye, ils étaient 545 personnes. Et en commune Muramvya, 590. Et enfin en commune Rutegama, 308. Soit au total de 2305. Et dans la province de Ruyigi, la démarche a été la même qu'à Muramvya et les résultats obtenus sont les suivants pour les personnes qui sont venues se confier à notre commission. En commune Butaganzwa, 518 personnes se sont confiées à la commission. En commune Butezi, 193. Et en commune Bgeru, 342. En commune Gisuru, 518. En commune Kininya, 177. En commune Nyabitsinda, 241. Et en commune Ruyigi, 363. Soit un total de 2323 personnes dans toute la province de Ruyigi. L'équipe de supervision en province de Muramvya a pu visiter 4 probables fausses communes déclarées comme vraies par la population vivant dans les environs. Et cette équipe les a trouvées dans les communes de Rutegama, en zone Mushikamo, et Muramvya, en zone Bugarama. Dans la zone de Mushikamo, les ossements sont visibles dans les fausses communes visitées, et il en est de même pour le site visité dans la zone de Bugarama de la commune Muramvya. Voilà, c'était Monseigneur Jean-Louis Nahimana dont les propos ont été recueillis par Charles Makoto. Et la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons Burundi demande à leurs confrères congolais de contribuer à l'arrestation des pêcheurs congolais responsables de la mort de deux pêcheurs burundais jetés dans le lac Tanganyika. 6 jours après cet incident, Gabriel Butoyi, président de cette fédération, dit qu'aucune arrestation dans ce sens n'a été jusqu'à présent opérée, selon les informations à sa disposition. Je vous l'avais dit, 25 ans viennent de s'écouler après la mort d'une figure emblématique de la musique burundaise. Il s'agit de Nikiza David, qui a laissé derrière lui un héritage qui inspire des générations d'artistes, chanteurs et musiciens burundais. Les messages dans ses chansons se basent sur des éloges envers son pays, le Burundi, la défense des droits des hommes, etc. Et certains comme Kidumu et John Chris ont repris ses tubes comme Safari. D'autres continuent jusqu'à présent à s'inspirer de sa musique et l'utilisent dans différents spectacles live comme le karaoké. Qui est Nikiza David? Christian Xavier nous parle de lui. Nikiza David était auteur, compositeur, instrumentiste, poète, chanteur, etc. Cette figure emblématique de la musique burundaise est née dans la zone Vugizo, nous sommes à Rohero, en 1948. Exilé en 1972, il fonde son groupe The Fellows, qui a eu beaucoup de succès au Rwanda, en sortant beaucoup de tubes comme Brigitte, Je me suis retrouvé dans tes bras, etc. En 1976, il crée un autre groupe appelé Explorers au Kenya. 1977, il sort un album intitulé Tamba Mayaya, composé de plusieurs chansons comme Shorizi Nyange, Tamba Mayaya, Tamba Mayaya, Rimiza, Ove, et Je t'attendrai là-bas, etc. Une année plus tard, il signe un contrat avec la Radio-Télévision Nationale du Burundi qui va transformer son groupe Explorers du Kenya en Amabano du Burundi et fait un grand concert inoubliable à l'ex-collège du Saint-Esprit, aujourd'hui Campus Kiriri. Il sort des tubes comme Urantunga Mubandi, Amosodi Yurukundo, et Temba Nereke, une chanson qui a provoqué beaucoup de polémiques. Niki Dev a travaillé avec des grands artistes burundais comme Tony Tanga, Africa Nova, Superstar, Tula Walupini et les autres. À la fin de sa vie, il change de thème. Dans sa musique, il chante du gospel en sortant un album intitulé « Commande du Seigneur » et Tumaini, avec des chansons comme Safari, reprises par des grands artistes burundais comme Kidumu et John Chris. Il s'éteint le 17 novembre 1992 à cause d'une maladie. Merci Christian Xavier de nous rafraîchir la mémoire de Nikiza David, mort il y a 25 ans. On revient sur la politique. Et le Parti Radebout se dit prêt à répondre à l'invitation de la facilitation sur le prochain round de dialogue à Arusha. Le président de ce parti dit aussi avoir appris que cette session est prévue du 26 novembre au 8 décembre prochain. Jean de Dieu Moutawazi dit qu'il soutient l'idée de rapatriement des pourparlers qui serait l'un des points analysés lors de cette session. Pour renforcer la culture démocratique au Burundi, il dit qu'il proposerait de toujours adopter la culture du dialogue plutôt que l'usage de la force. Suivez Jean de Dieu Moutawazi. Nous avons appris que la facilitation aurait l'intention d'organiser un dernier round de ce dialogue inter-burundais qui avait eu lieu à l'extérieur du 26 novembre au 8 décembre. Alors, nous avons toujours maintenu notre position. Nous sommes pour un dialogue, mais le dialogue, il ne faut pas oublier que c'est un mode de bonne gouvernance qui est un mode continu, mais qui doit être sanctionné par un rapport d'étape. Ça sera donc un dernier round et avant de passer aux préparatifs des élections de 2020. Une fois arrivé à Arusha, est-ce que si on vous demandait votre proposition pour la sortie de crise politique au Burundi, quelles seraient les propositions du parti Radebout? Pour bien préciser nos propositions, nous sommes dans un processus de renforcement de la démocratie et dans un processus de renforcement des institutions démocratiquement élues. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il faut réviser la Constitution, il faut qu'il y ait renforcement de la démocratie au Burundi. Et deuxièmement, il faut dissuader tout Burundais qui veut accéder au pouvoir par les mécanismes de négociation ou par les coups d'État d'abandonner cette voie. Est-ce que le parti Radebout est pour ou contre le rapatriement de ce dialogue? Aujourd'hui, la position de la facilitation est claire. Elle a déjà donné une orientation. Vous savez très bien que parmi les choses qui nous divisaient, il y a la révision de la Constitution, il y a la question des enquêtes de la CPI sur le Burundi. Troisièmement, la sous-région, alors à base de ces questions, La sous-région a déjà donné une orientation. Il juge qu'il faut rapatrier le dialogue inter-burundais au Burundi. Et donc, vous venez de dénumérer autant de questions qui vous divisent avec les autres qui sont en exil ou à l'étranger. Est-ce que si ces questions ne trouvent pas de consensus aujourd'hui, quel est le terrain efficace pour justement liquider toutes ces questions? Nous pensons que la dynamique actuelle va peser de manière à ce que même les anciens leaders qui sont aujourd'hui en Belgique ou ailleurs vont finir par rattraper le train en marche. Jean de Dieu Moutawazi, c'est le président du parti Radebou. Il était tout à l'heure au téléphone avec Aubin Niyonguru. Une pause et c'est pour annoncer la chronique. Aujourd'hui, nous parlons environnement. Radio Isanganiro Chronique. Les perches métalliques peuvent aider dans la protection des arbres lors des constructions en étage, en passant d'un niveau à un autre. Le directeur des forêts à l'OBPE, Office Burundais pour la protection de l'environnement, indique que les arbres utilisés dans ces constructions ne sont pas à maturité. Il appelle les gens à adopter plutôt ces perches en métal, ce qui protégerait les forêts. La chronique environnement de ce vendredi avec Léonce Vitalio. Les constructions en étage à l'aide des perches en bois, quand on veut passer d'un niveau à l'autre, ça demande beaucoup d'arbres et dénude les forêts. Plus la maison est vaste et grande en termes du nombre de niveaux, plus les arbres utilisés sont en grande quantité. Epimeni Nibizi, c'est le directeur des forêts à l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE. Les perches qui sont utilisées pour la construction des maisons en étage, disons que ça dépend des niveaux, ça peut être 2, 3 ou plus, mais aussi de la superficie de la maison. Quand on passe là où on est en train de construire, on voit que c'est un effectif qui varie de des centaines à des milliers de perches qui sont utilisées pour la construction des maisons en étage. Ce ne sont pas n'importe quel type d'arbres qui sont utilisés comme perches dans la construction en étage au Burundi. L'eucalyptus est dominant. C'est pratiquement l'espèce eucalyptus. C'est une plante qui pousse un peu rapidement et qui s'adapte dans presque tout le pays. Et puis, ça ne se coupe pas facilement. Une autre raison qui peut être, c'est parce que quand on le coupe, il régénère encore très facilement et très rapidement. Ces arbres ne sont malheureusement pas à maturité. Epimeni Nibizi indique que les perches abattues sont remplacées dans leur plantation d'une manière générale. Il y en a même qui considèrent l'arbre comme leur café générant des revenus. Et s'ils ne sont pas remplacés une fois coupés, des conséquences sont énormes pour l'environnement. Vous entendrez dans la rue qu'ils disent maintenant que c'est le café qu'ils disposent. Ils fertilisent même le sol pour que les eucalyptus se poussent rapidement. Et puis, ils les vendent comme des perches. Il y a un impact négatif compte tenu de ces phénomènes de changement climatique, compte tenu de ces phénomènes d'érosion. Les gens maintenant se lamentent, il ne pleut plus, malgré qu'on soit dans la saison pluvieuse. Cela est dû à cette déforestation, parce que c'est l'arbre qui soutient le sol. Donc c'est la vie qui est en danger avec cette forme de déforestation. Même si la plupart des propriétaires de chantiers ont plus de facilité quand ils utilisent les perches en bois, le directeur des forêts leur appelle à changer et utiliser le métal à la place du bois. Le métal, s'il est utilisé, il n'y a pas d'impact négatif. Il n'y a pas de déforestation, il n'y a pas d'érosion. Il suffit seulement de changer de mentalité pour la plupart des gens ici chez nous. Si vous voulez, c'est un bon business pour certains. Parce que si vous avez acheté, vous allez le louer, vous allez faire une location pour vous procurer de l'argent et puis vous conserver et puis vous utiliser même l'année prochaine, même 10 ans après. Ce n'est pas la même chose que couper les perches chaque jour pour la construction des maisons. Parce que les constructions vont se poursuivre, mais le métal est mieux que les perches. Encore, Epimeni Nibizi, construire c'est bon, mais ce serait encore plus bon si l'on pensait à la protection de l'environnement, des forêts en particulier. Merci Léonce Vitario pour cette chronique environnement. Ici se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également merci à Séraphine Hakizimana de l'autre côté de la baie Vitré. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, un bon après-midi.